dans ses valises. Une Bible de prière, missionnaire. Que mon Dieu se rit. Ces gens que tu prophétises, ton glaive en bandoulière. On connaît ta barbarie. Missionnaire, missionnaire, au nom du Dieu chrétien, tu massacres des hommes, tu détruis des continents. T'as débarqué dans des contrées sauvages. Avec tes sermons, ta compagne à l'épée, tes rois de l'esclavage, missionnaire. Au nom de la croix, ton blason. Missionnaire, missionnaire, au nom du Dieu chrétien, tu massacres les hommes, tu détruis des continents. Et aujourd'hui, on oublie ces peuples. Missionnaire. T'as exterminé avec comme sous-conduit ta foi chrétienne aveugle, missionnaire. Tu feras partie des damnés, missionnaire, missionnaire, au nom du Dieu chrétien, tu massacres les hommes. Détruit des continents. Tes héritiers, chrétiens occidentaux, missionnaires. Vivent dans la richesse, au milieu de la pauvreté, défendent leurs capitaux, missionnaires. Tu pollues le mot sagesse, missionnaire, missionnaire, au nom du Dieu chrétien, tu massacres les hommes, tu détruis les continents. Missionnaire, missionnaire, au nom du Dieu chrétien, tu massacres des hommes, tu détruis des continents.